Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 9, deuxième partie. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Donc comment tu vas dire, tu vas exprimer ton exclamation en arabe, tu vas dire « Ma atwala adar rajul » voyez, « Ma atwala adar rajul » à la waz « Ma af'al » voyez, « Ma af'al » Il y a d'autres, formules, tu peux dire, comme on a fait le Coran, « Abusir bihim wa asmi'a » et non, et ça, c'est la première, la plus connue. Donc, هذا الرجل طويل, ça veut dire quoi? ما أطول هذا الرجل. ثانيا, هذا البيت كبير. Donc tu vas dire comment? ما أكبر هذا البيت. Qu'est-ce que sa maison est grande? Tu vois? Qu'est-ce que sa maison est grande? ثالثا, هذه السيارة جميلة. Cette voiture est belle. Tu vas dire ما أجمل هذه السيارة. Qu'est-ce que cette voiture est belle? Ça y est, on va commencer ensemble. Bon, plutôt, on va le faire entièrement ensemble. Hada al-ma'u baridun. Cette eau est froide. Comment vas-tu dire? Ma abrada hada al-ma'u. Hada al-ma'a. Al-ma'a. Naam. Thanyan, al-nujumu jamilatun. Les étoiles sont belles. Ma ajmala al-nujuma. Naam. Hada al-qalamu rakhisun. Ce stylo est peu cher. ما أرخص هذا القلم؟ Non, qu'est-ce que ce stylo n'est pas cher? C'est comme ça on dit? Il y a pas un mot en France où il y a pas cher? On dit pas cher. Exactement. Pas cher. Soldé. Pas cher. Bon, pas cher. Il y a pas un mot propre pour dire pas cher. رابعا اللغة العربية سهلة. La langue arabe est facile. ما أسهل اللغة العربية؟ Non. Qu'est-ce que la langue arabe est facile? Les manoufiques, hein, là. Là. Parce que t'en as, ils ont abandonné vite, malheureusement. Ils ont dit le contraire. Qu'est-ce que c'est dur? Khamisan, al-nujumu kathira. Les étoiles sont nombreuses. Ma akthara al-nujum. Naam. Qu'est-ce que les étoiles sont nombreuses? Sadis, al-laban hasan. Le lait est bon. Ma ahsan al-labana. Naam. Hadi sayaratu sali'atun. Cette voiture est rapide. ما أسرع هذه السيارة؟ نعم. كيف كسبت voiture est rapide؟ القمر جميل. La lune est belle. ما أجمل القمر؟ نعم. كيف كسبت la lune est belle؟ هذا القميص وسخ. Ce camis est sale. ما أوسخ القميص؟ كيف كسبت ce camis est sale؟ هذا الفصل نظيف. ما أنظف الفصل؟ نعم. كيف كسبت cette classe est propre. Fahim Tahada? Non. À la selle. Toujours à la fin, non, il porte une fatha? Non. Toujours, peu importe non. Son. Et son mi'alab, tu l'apprends dans un autre livre, Inch'Allah, dans ta Mutammima. C'est quoi l'i'alab de Sirat Ta'adjoub? Le mi'alab particulier. Où est son fa'il, il est où, kaza kaza? C'est particulier. Sabi'an. تأمل الأمثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Donc là, il veut quoi que tu médites ce qui va suivre et qu'ensuite tu écrives les mots en écrivant la harakat qui correspond à la fin. Donc là, ça revient à quoi? Oders en nida, l'appel. Vous voyez, l'appel. On avait déjà appris que lorsqu'on appelle un nom propre, on met une dhamma à la fin. Sans tanwin. Comme il dit là, par exemple, Mohammedun. Tout seul, c'est Mohammedun et Tanwin. Quand tu appelles, tu dis Ya Mohammedou. Hamidun, tout seul, tu vas dire Ya Hamidou. Oustezun, tout seul, tu vas dire Ya Oustezou. Ça, c'est quand un mot est tout seul. Maintenant, quand c'est un Moudof, il va être Mansoub, avec une fatha. Vous voyez, le Moudof, quand tu l'appelles, il est Mansoub avec une fatha. Par exemple, tu dis Urt Hamidin. Ça, c'est quand il est tout seul. Dans le Nida, tu veux dire Ya Urta Hamidin. Vous voyez, on dit Urta. Là, il n'y a plus de Dhamma. Parce que c'est un moudaf. Par exemple, Abdullahi, il est tout seul, quand tu l'appelles, tu vas dire Ya Abdullahi, avec une fatha, mansoub. Donc maintenant, on fait pareil avec les mots qui sont à la suite. Et yes. Prononce bien la haraka. Ya Aliyu. Non. Ya Abbasu. Non. Ya Rajulu. Ya Bintu. Ya Sheikhu. Ya Maryamu. Ya Abdallahi. Non. Ya Bintu. Là. Ya Benatu. Là, regarde bien ce qu'il y a. C'est un peu d'off. Ah. Ya Bint Khalidin. Khalidin. Ya Bint Khalidin. Non. سائق سيارة سلو شوفير يا سائق السيارة نعم يا أم السعدي دين سعدين يا أم سعدين نعم يا عبد الرحمن نعم يا رب الكعبة نعم يا إمام المسجد نعم Yabna. Et attention, après, il te donne un exemple avec le Asma al-Khamsa. On avait dit quoi? Asma al-Khamsa, comme Abu, Ahu, Zou et Hamou, que lorsqu'ils sont marfour, c'est avec quoi? C'est quoi le alamat maraf? C'est le waou. C'est plus la Dhamma. Quand tu dis Ahu ou Ahu Muhammad, il est marfour. Ils sont. Aramat Rafi'i, son signe qui prouve qu'il est marfour, c'est le waouh, c'est plus une dhamma. Et bien là, c'est pareil, quand il va être mansoub, Asma al-Khamsa, ça va être avec un alif. C'est pas une fatha. Ça va être avec un alif. Quand il est mansoub, son signe de son nasb qui prouve qu'il est mansoub, c'est le alif. Donc tu vas dire quoi dans le nida, Abu Bakr, tu vas dire Ya Aba Bakrin. Yep. Ya Aba Bakrin. Et le alif là, a dit Aramat Nasbi, c'est le signe de son nasb qui prouve qu'il est mansoub. Et en guise de faïda, quand il est majuro, c'est avec un ya. Et c'est pas qu'un une kasra. Par exemple, tu vas dire Dakhaltu fi bayti Abi Bakrin. Vous voyez fi bayti Abi Bakrin. Et ça viendra, je crois, dans le kitab plus tard. Donc quand tu as quelqu'un avec une kunya, dis Ya Aba Fulen. Tu dis pas Ya Abu Fulen comme on entend souvent. Ya Aba Fulen. Taïb. Non. Maintenant, il va te donner pareillement un nouveau signe dans le nasb. Aslan, comme on a dit, Aramat al-Nasb, Ism Mansoub, c'est quoi son signe? C'est un harakat? C'est un fatha. Ça, c'est comme on a dit, c'est l'origine. Et certaines catégories de mots sortent de l'origine. Ce sont des exceptions. Ils prennent un autre signe pour démontrer qu'ils sont mansoub. Mathalen, là, on va prendre quoi? Le Jamwanath Salim. Jamwanath Salim, quand il est mansoub, c'est pas avec une fatha. C'est avec une kasra. Il sort de l'origine. Vous voyez? Par exemple, tu ne peux pas dire Ra'aitu Muslimatan. Là, tu vas dire Ra'aitu Muslimatin. Attention à ça. Donc, il dit Ta'amel et Amsile. Médite les exemples. Summa Ayin Fima Yali. Jam al-Mu'anath al-Salim wadbut akhirahu. Donc il dit, regarde les exemples suivants, et ensuite, il essaie de désigner le Jam al-Mu'anath al-Salim et écrit correctement la fin. C'est-à-dire la harakat qui correspond. Mathalen, il dit Ra'aitu sayyaratan. Ra'aitu sayyaratan, là il est mufrad. Donc il va être quoi? Là il est maful bihi, mansoub. وعلامة نصبه الفتحة مكيلة مفعول به منصوب et le signe de son nasb c'est la fatha. Maintenant si tu mets en jam, comment tu vas dire? Tu vas dire رأيت سيارات. Là il est quoi? Jam مؤنث سالم. Il est منصوب وعلامة نصبه le signe de son nasb c'est quoi? C'est la kasra. C'est plus la fatha. مثلا كذلك ب سأل سألت المديرة الطالبة. طيب, la directrice a questionné l'étudiante. Donc la طالبة, tu veux dire طالبة. Le mafoul bihi. Il est mufrad. Au jam, comment tu vas dire? Il crante. سألت المديرة الطالبة. Non. Donc là, on va dire Talibati. Pourquoi? Parce qu'il est maful bihi. Et il est djem ou anathalim. Il est au djem là. Donc, Aramat ou nos bihi. Elle, kasra. Le signe de son nos, ça va être quoi? La kasra. Djim. Karatu el mujalla. Ou le majalla. J'ai lu le magazine. Donc là, majalla, il est maful bihi. Donc tu dis majallata. Au djem, comment tu vas dire? Karatu el majallati. Majallati. Majallati. Non. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والبحار والأرض والسماوات. طيب لا يبقون يبقون كسرة سماوات سماوات تجمع أنث سالم تجمع السماء يبقون كسرة. طيب maintenant tu vas lire. Oh, je t'ai volé la phrase. Après. Je crois que c'est toujours les exemples. En fait, non, c'est l'exercice qui a commencé. Donc toi, tu vas lire les phrases suivantes et tu vas mettre le harakat. Tayeb. Jumla thaniya. Faddal. Sa'ala al-abu abna el al-abna'i al-abna'u al-abna'a. Aywa, ma fal bihi. Sa'ala al-abu al-abna'a wa والبناتي. والبناتي. Le père a interrogé, questionné les fils et les filles. Ça, les femmes. كتبت هذه الكلمات. نعم هذه الكلمات. رابعا tu as écrit ces mots. رابعا رأيت الطباء. نعم. والطبيبات. نعم. J'ai vu les médecins hommes et les médecins femmes. خامسا. Alors, غسل الولد. لا. غسل الولد السيارة السيارة. لا. السيارة. أيوة. المفرد لا تصدق. L'enfant a lavé la voiture. Si elle était au jam, non. T'aurais dit السيارات. Mais là, il est au مفرد. سادسا غسل الولد السيارات. Maintenant il nomine l'enfant avec les voitures. سابعا أخذت الريالات يبني. As-tu pris des riales ou mon fils? ثامنا سأل بلال زملاءه. نعم بلال interroge ses camarades. طيب تاسعا سألت زينب زميلاتها. أحسنت زينب interroge ses camarades. عاشرا قرأت الكتاب. لا جمع. قرأت الكتب والصحف. والصحف. والصحف والمجلات. نعم. حسنا. J'ai lu les livres, les journaux et les magazines. هادي عشر. رأيت إخوة حامدين و. أخواته. نعم وأخواته. ثاني عشر قرأنا هذه صفحات. نعم on a lu, nous avons lu ces pages. مفهوم هذا؟ فعلينا attention à ça. الجم والثالم parce qu'il est منصوب c'est avec une كسرة ونو avec une فتحة. تاسعا تأمل المثال ثم أدخل حمزة الاستفهام على الجمل الآتية. Donc ça pareil, c'est encore un vers qui correspond à l'imla, l'écriture. Il dit El Biharu Djam Bah. Vous voyez, Bihar, c'est le djam de Bah, de la mer. L'origine, si tu poses une question à Hamdat Sifem, comme tu te rappelles dans le texte, j'avais repris un moment. J'avais dit El Bihar. Tu te rappelles? Donc là, il va t'expliquer pourquoi. À la base, comment on dit? On dirait Al-Biharu Jam Bahr. Cependant, lorsqu'un Hamzat l'Istifham il vient devant un Alif Wallem, on l'inclut dedans. On fait un hydrome. Vous voyez, pour faire un hydrome, on le rentre dedans, on le mélange à lui. Et après, il s'écrit avec quoi? Avec un Mouj. Mouj, une vague. Donc tu veux dire quoi? Al-Biharu Jam Bahr. Dans le Coran, tu vas le trouver. Allah. Azna lakum, masalan. Ou al-an, ou quand on saïta min kabl. Maintenant, en fait, c'est Hamzat al-Istifham et après al-an. Donc, comme on met le dorsal, on va dire al-an. Ça va faire un med. Et en fait, c'est Hamzat al-Istifham suivi d'un alif wal-lam. Donc, comme il te dit, Hamzat al-Istifham suivi de alif wal-lam, tu vas dire al, et après, tu vas avec la suite du mot. Et tu l'écris avec un mouj au-dessus, une vague. Toi, tu vas lire les phrases suivantes. Moi, j'y lis en premier. Toi, tu le lis avec Hamzat et Stifham en premier, en début de phrase. Awalen, el-en, kharashta. Tu es sorti maintenant. Comment tu vas dire? El-en. Non. Non, si, c'est ça? El-en, kharashta. Non. Et tu es sorti maintenant? Là, ça veut dire quoi? Une question. Thanyen, el-yoma raja abouka min Damashq. Donc, ton père est revenu de Damashq aujourd'hui. Comment tu vas dire? Avec une question? اليوم رجع أبوك من دمشق. نعم دمشق. ثالثا المدرس مريض. L'enseignant est malade. Comment tu vas poser la question? المدرس مريض. نعم. رابعا المدير قال هكذا. Le directeur a dit telle chose ou a dit de telle façon. Comment tu vas dire? المدير قال هكذا. نعم. خامسا At-talibu al-jadidu kasara ad al-kursiya. Donc le nouvel élève a cassé la chaise ou cette chaise. Al-talibu jadidu kasara ad al-kursiya. Non. Sadisan. Az-talibu darabak. Cet élève t'a frappé. Comment tu vas dire? Ahad al-talibu darabak. Takat. Non, y'a rien là. هذا الطالب ضربك maintenant il dit quoi تعمل المثال ثم اجيب عن الاسئله الاتيه على غراره donc il dit lui l'exemple et ensuite répond aux questions en se basant dessus السؤال الاول من خلقك qui t'a créé tu dis خلقني الله. Donc là, attention, on a mis un noun. Ce noun, comment on avait dit qu'il s'appelle? Khalakani noun el wikaya. Vous voyez, ça s'appelle noun el wikaya. Comme dans ka'annani ou innani ou annani. C'est le même noun. C'est un noun qu'on met entre un mot qui est une fatha qu'on ne peut pas changer pour passer à quoi? Un yam mutakallim. On ne peut pas dire khalakai. Donc on est obligé de mettre un noun pour faire une forme de passerelle entre les deux. Ça y est. Donc là, tu vas répondre aux questions suivantes en te basant sur la même formule que celle citée là. Khalaqani Allah, avec le noun. Moi je dis, man darabaka, qui t'a frappé? Darabani abi. Nam. Thanian, man sa'alaka adassouel, qui t'a posé cette question? Sa'alani al-ustad. Non, j'ai été interrogé par le professeur. Thalithan, Araka al-Mudarrisu fil masjid. Est-ce que l'enseignant t'a vu dans la mosquée? Ra'ani al-Mudarrisu fil masjid. Non, il n'y a pas de Hamza là. Tu dis, t'as dit Arani? Non, j'ai dit Ra'ani. Tu dis Ra'ani. Ah, j'ai pas entendu, j'ai entendu Ra'ani. Non. Ta'amel el kalimat el atiya. Donc là, c'est kalimat ma'na, qui veut dire sens. Vous voyez? Toi, quand tu es demandé comment on dit ça, tu veux dire ma ma'na kada. Par exemple, tu veux dire que veut dire tel mot, tu veux dire ma ma'na hadil kalimat. Et ma'na, c'est ism, comme on avait écrit, mankous, obel, maksour, avec un alif à la fin. Donc, ma'na, tout seul, il s'écrit comme ça, avec alif, à la forme du ya. Maksour. Et si tu mets Moudaf à un Damir, le alif il se transforme en alif mamdouda, droit. Tu vas dire marnahu. Vous voyez ? Comme tu vas dire marnaha. Mais il se prononce pareil. Juste tu changes l'écriture. C'est-à-dire c'est beaucoup basé sur l'imla. Comme écrire des mots. Fani Asha. Ta'ammal al-kalimat al-atiyah. Là, il va t'apprendre comment mélanger deux mots et qui vont se transformer. Avec un harf al-jar. Et avec quoi ? Le ma qui est le ma d'istifham, l'iré al-aqil. Mathalan, min. Min harf al-jar. Si tu veux dire min et ajouter ma, voyez, ma qui est l'istifham, tu vas dire mimma. Comme dans la parole, mimma khalaqallahu l'insan. De quoi Allah a-t-il créé l'insan ? Khalaqahu min tin. Il a créé de terre. Donc tu ne vas pas dire min summa ma. Ça ne se dit pas. Tu es obligé de faire un idrome entre les deux mots. Tu es obligé d'assembler les deux mots ensemble. Tu vas dire mimma. Vous voyez, mimma. Donc le min, le nun de min, il tombe. Et le alif de ma, il tombe. Donc tu dis mimma avec une shadda. Sur le deuxième mime. Pareillement, avec le B, Harfojar, B, tu veux l'assembler avec ma, istifham, tu vas dire bima. Tu ne vas pas dire bima, tu dis bima. Comme dans l'exemple, bima, bima kulta, bima katalta al-haya. Avec quoi as-tu tué le serpent? Là, le bi va être pour sens avec. Ou par. Par quoi as-tu tué le serpent? Avec quoi as-tu tué le serpent? Il dit, Kotal tuha bi al-hajar. Il est tué avec une pierre. Maintenant, avec li, avec assemblé à main, tu vas dire quoi? Lima. On l'a déjà pris, ça, déjà. On dit, comme lima, ça. Par exemple, tu dis, lima, kharajta min al-fasl. Pourquoi es-tu sorti de la classe? Kharajtu li annani marid. Je suis sorti car je suis malade. Et an, avec ma, pareil, tu vas dire, amma. Mathalan, donne-moi un exemple dans le Coran. Amma yatasa'alun. Tamam, voilà. Amma yatasa'alun. Donc ça veut dire quoi? Amma bahafta fil madrasa. Qu'as-tu cherché dans l'école? Tu dis bahastu an sa'ati. Ou sa'ati, après. C'est un mufrad, c'est pas un jam. Donc chercher ma montre. Pareillement, il va te dire amma sa'alaka al-mudarris. Sur quoi t'as interrogé le professeur? Tu vois, oh, à propos de quoi? T'as interrogé le professeur. Non, c'est Elta. Ah, c'est Elta, en fait. Non, j'ai écrit celle de. C'est elle. Non, c'est Elta, Enta. Donc, à quel sujet as-tu interrogé le professeur? C'est Eltuhu, An, Alimtihan. Je l'ai interrogé à propos de l'examen. Tamam? الثالثة عشر تأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحت خط إلى الجموع. Donc il veut que tu changes les phrases qui sont en dessous en pluriel. Il t'aura un mot dans la phrase au singulier, toi tu changes en pluriel, ce qui inclura que d'autres choses vont aussi changer en pluriel. Mathalan, il dit Man al-fata alladhi kharaja min al-fasli al-an. Qui est le jeune garçon qui est sorti de la classe maintenant? Donc maintenant on veut qu'on mette quoi fata en jam. C'est-à-dire, si on change fata en djem, d'autres choses vont changer en djem. Al-lazi et le damir dans kharaja. Donc tu vas dire quoi? Manil fatiatu ou fitiatu al-lazina kharajou min al-fasli al-an. Donc celui-là, tu feras à la maison. Inch'Allah. Et pareil, le 14, c'est le même, sauf que c'est au féminin. Vous voyez ? Ta'amel el misael, sou maktoub el jumel atiata bab tahwil el kalimet, alatitar ta khottoun il el jumour. C'est la même chose, sauf que là, c'est un moufrad mouannaf, tu le changes en djem mouannaf. Vous voyez ? Mathalan, yakoul, atalibatu alati dakhalat il fosl el en min el hind. L'étudiante qui vient d'entrer dans la classe est d'Inde. Donc en djem, on va dire quoi ? Atalibatu allati dakhalna al-fasl al-an min al-hindi. Donc celui-là, pareil, à la maison. T'as trois phrases. Maintenant, il va te donner quoi, les Asma al-Mawsoula là? Le Muzakkar, le Mufrad. Tu vas dire, Man il fata, alladhi, dakhala al-fasl an. Donc, l'Asma al-Mawsoula, le Muzakkar, le Mufrad, c'est alladhi. Tayyib, alladhi. Qui est le garçon qui vient de rentrer dans la classe? Et le jam, ça va être quoi? Al-ladhina. Al-ladhina. Comment tu dis? Man il fityatu al-ladhina dakhalu al-fasl an. Donc le jam, c'est al-ladhina. Ça, c'est pour le muzakkar. Pour le mouannas, al-mufrad, ça va être quoi? Man il fatayatu al-lati dakharat al-fasl al-an. Donc qui est la jeune fille qui vient de rentrer dans la classe? Donc c'est quoi? Al-lati. Et le jam, ça va être quoi? Manil fatiatu, c'est-à-dire avec Ahmed, allati dakhalna al-fasl al-an. Donc là, le mois 9, jam, c'est quoi? Allati. Ça c'est déjà connu, alhamdoulilah. Et aussi le moussanna, il n'a pas encore donné, c'est allazani ou allatani. Les deux hommes ou les deux femmes. خامس عشر كون جملا مستعملا كلمات الآتية. Donc il dit, il veut que tu fasses des phrases en utilisant les mots en dessous. رفع qui veut dire lever, خلق qui veut dire créer, عاد qui veut dire revenir, الجد qui veut dire le grand-père, مما de quoi, بما par quoi ou avec quoi, ولما pourquoi, وعما à quel propos, quel sujet, ainsi de suite. طيب الكلمات الجديدة les nouveaux mots. Qa'ima, le diam c'est Qa'im. Qa'ima c'est une liste. Par exemple sur le portable ça va être, ou l'ordinateur, Qa'ima c'est le menu aussi. Ilaqa, diam ilaqat, c'est un lien, un rapport. Vous voyez, avoir un lien, avoir un rapport. Hadra, c'est un fi'l madi qui veut dire venir ou se présenter, être présent. Ma'na, ça veut dire sens. Lahzatun, ça veut dire un instant. Vous voyez? Un instant. Khalaqa, ma'louf, c'est un fi'l madi qui veut dire créer. Tinun, c'est la terre, l'argile, la boue. Jarasun, al-jam ajras, c'est cloche. Une sonnerie. Rafa'a, ça veut dire lever. Rafa Yada, il a levé sa main. C'est un fi'l madi. Narun, ma'louf, le feu. Iddatun, plusieurs. Iddatun, plusieurs. Wa ahsanta. En fait, ça, c'est le verbe ahsana. Quand je dis ahsanta, c'est pour te complimenter pour une chose. Je dis ahsanta, tu as bien fait. Par exemple, si tu poses une question, man khalaqaka, tu dis khalaqani Allah, veut dire ahsanta. Tu voudras dire, tu as bien répondu. Genre, terme plus familier, bien joué. Quand même. Rana. Rana, c'est sonner, retentir. Rana al-Jaras, la sonnerie a retenti. Il est dedans? Ah ouais, je ne l'ai pas vu, il est tout en bas. Non. Rana yarinno. Ma foum d'ars? Taïeb. On a pour le hamdoulilah, l'abbé l'arrivée.